Bon midi à CKRL, 21 août déjà. Bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous pour la prochaine heure pour vous parler d'un sujet qui me tient aussi à cœur. Moi, ça me tient tout le temps à cœur. À chaque semaine, je pense que vous m'entendez répéter ça et c'est pas pour rien. Les Différents, vous le savez, c'est un blog à la base. Et puis, vous pouvez nous suivre aussi là-dessus. Je vais en parler dans les prochains jours de ma rencontre d'aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui, je rencontre Vanessa Plante, qui est zoothérapeute. On va pouvoir avec elle démystifier qu'est-ce que c'est la zoothérapie et puis les mythes reliés à ça. Qu'est-ce que ça prend aussi comme formation s'il y a des gens qui aiment les animaux, qui se disent, ben coudonc, pourquoi pas moi? J'ai été pour ma recherche, pardon, j'ai été pour ma recherche dans un CHSLD à Québec et puis ça m'a vraiment touchée parce que j'ai rencontré une dame. Faut savoir qu'à ce CHSLD-là, celui de Saint-Jean-Eudes, sur la 3e avenue, eux, ça fait au moins une trentaine d'années qu'ils font de la zoothérapie. Et puis, j'ai rencontré, je voudrais remercier en fait Madame Rousseau du CHSLD qui a pris son temps pour m'expliquer qu'est-ce que c'est. Madame Rousseau, c'est une résidente de la place. Et puis, elle m'a expliqué le bienfait que c'était, parce que là-bas, il y a une pièce qui est, que tous les animaux, en fait, ils ont deux lapins sur place, mais ils ont beaucoup d'oiseaux. Même à l'entrée de la place, il y a des oiseaux. Et puis, elle s'en est beaucoup occupée. Puis, quand elle est arrivée là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ben là, on a un petit peu moins d'intérêt, tout ça, et ça y a redonné de l'intérêt. S'occuper des oiseaux, son lapin qui est là pour elle quand elle se sent moins bien, elle va le voir dans la pièce parce qu'il est dans sa cage avec les autres oiseaux. Ben, à côté des oiseaux, en fait, ils l'ont pas mis avec. Et puis, ce qu'elle me racontait, c'est que c'est, si vous aviez vu les yeux qu'elle avait quand elle me parlait de ses animaux, parce que pour elle, c'est les siens, puis c'est ceux des autres aussi. Cette place-là, il y a des chiens aussi, 3-4 chiens qui vont visiter les gens. Et le bien-être que ça donne, que ça procure, parce qu'il y a des gens de tous âges aussi, de tous les âges qui vont là. Comme résident. Donc, quand on pense à quelqu'un qui peut en avoir le même âge que moi, qui en a 36, puis admettons que cette personne-là a des enfants, ben à un moment donné, se retrouve résidente dans un CHSLD, ça se peut qu'elle se sente moins utile, mettons. On pourrait dire ça comme ça, le fait de ne pas pouvoir élever ses enfants comme elle le voudrait, cette personne-là. Ben, quand les animaux arrivent ou quand elle va voir les animaux avec sa visite, par exemple, c'est intéressant pour elle de sentir utile à nouveau, de s'occuper d'un autre être vivant. Ça remplace pas un enfant, ça remplace pas le bien-être que cette personne-là aurait à être chez elle. Mais ça remplit quand même un certain vide, puis vous le savez, les animaux, c'est un amour inconditionnel. Donc, ce midi, c'est ce qu'on va parler. On va parler de zoothérapie. Qu'est-ce que ça fait? Et puis, avec moi, j'ai Vanessa Plante. Bonjour, Vanessa. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi, merci d'être venue à l'émission Les Différents. Ça fait plaisir. Tes zoothérapeutes, qu'est-ce que c'est? Puis qu'est-ce que ça prend comme formation à la base? Si on va direct, qu'est-ce que c'est? Bien, au départ, pour être zoothérapie, il faut être suivi soit un AEC ou une attestation d'études collégiales en zoothérapie. Comme moi, par exemple, j'ai suivi ma technique en éducation spécialisée au cégep de l'Apocatière et j'ai suivi un AEC en même temps en zoothérapie, qui fait que je suis sortie avec un diplôme de TES et un AEC en zoothérapie. Fait que pour faire de la zoothérapie, il faut pas s'imaginer zoothérapeute. Il faut vraiment avoir une technique, puisque durant la technique, mais en même temps, d'être formée, j'ai formé mon animal. OK. Fait que mon chien, Lola, c'est ma partenaire en zoothérapie. C'est un chien, c'est un boxeur croisé. Bien, elle aussi, elle a suivi la même formation que moi. Puis c'est ton chien, là. C'est pas, tu l'as pas adopté comme ça, là. Tu prends pas n'importe quel chien. C'est le tien. Il a fait sa formation. Qu'est-ce que c'est exactement? La formation comme moi, par exemple, j'étais la première cohorte qui se donnait au cégep de la Pocatière. C'était 3 semaines durant l'été où notre animal était avec nous en classe. On apprenait des techniques d'intervention, comme détecter la communication que ton animal fait, puisque quand il rencontre une personne, ben lui, l'animal, il lit la personne avant toi. Oui. Tous les signes d'apaisement que ton animal peut faire pour démontrer que cette personne-là est trop énervée, est trop anxieuse. Mais ensuite, ben, ça développe ton animal à devenir meilleur en partenaire en zoothérapie. Oui, parce que c'est pas évident. C'est pas n'importe quel animal, là. Moi, je pense, par exemple, moi, j'ai une labrador brune qui est, pour ceux qui connaissent les labradors, là, c'est comme la sorte la plus excitée qu'il y a pas. Oui. Moi, je pourrais pas faire ça, là. Je pourrais pas l'envoyer en zoothérapie. C'est sûr qu'elle saute partout à des springs à la place des pattes derrière, là. C'est ça. Il y a une formation aussi pour que, il y a un prérequis aussi pour l'animal, tu me disais. Oui. Ben, dans le fond, plus qu'on poursuit notre relation avec l'animal, plus qu'on pouvait aller faire une technique de bon citoyen canin. Qui était, dans le fond, on évaluait notre animal avec 3 professionnels, avec un vétérinaire, un éthologiste, puis un comportement canin, qui approuvait que ton animal était apte à faire de la zoothérapie. Parce que oui, comme toi, t'as un labrador, les labradors, tout le monde dirait, ben il est super enjoué, il va vers les personnes, c'est un partenaire merveilleux. C'est mal la connaître, oui, elle va vers tout le monde, elle pourrait partir avec tout le monde, mais oublie ça. Ben, c'est ça. Fait que finalement, moi, mon chien, si je prends l'exemple de mon chien, il ira pas vers toi. Il va attendre que moi, je dise aller vers toi. C'est ça. Fait qu'il faut quand même un chien réservé, qu'un labrador, ben c'est super intense. Mais ça n'enlève pas que certains intervenants travaillent avec un labrador. Parce que en réalité, qu'est-ce qui est primordial dans la relation, c'est la relation entre toi puis ton animal. C'est ça. C'est déjà au départ, faut que, ben, on peut pas prendre n'importe quel animal, oui, mais il faut vraiment là, qu'il y ait une belle relation entre les deux. Tu me disais aussi, tu as d'autres animaux là, t'en as beaucoup. C'est combien t'en as là? Combien j'en ai, ça serait difficile. La fois, je vais t'énumérer. Quand je me déplace en visite animalière, je me déplace avec mes 2 cochons d'Inde, Albertine et Martine. OK. Je me déplace avec... J'aime ces noms-là. Avec mes 2 lapins, Frimousse et Framboise, ma tourterelle qui est Mimi, et mes 2 chats, c'est Luna et Grenouille. En plus d'avoir mon chien avec moi. Okay. Fait que je fais des visites animalières d'un CHSLD avec plusieurs personnes. Ben, j'amène tous mes animaux. Mes lapins sont éduqués à rester dans leur panier, de se faire déplacer sur les résidents, puis ils restent dans leur panier, ils se font caresser, à tel point que mes cochons d'Inde, à la fin de la réunion, ils dorment dans leur panier. OK. Oh boy, ils doivent recevoir une belle dose d'amour, oui. Ça c'est sûr et certain. Ta clientèle, ça ressemble à quoi? Parce que toi, je l'ai pas dit, dans le fond, je pense que je l'ai même pas dit. Toi, tu travailles, ton entreprise en zoothérapie, c'est 1 et 1000 pattes. Oui, c'est ça. Donc, ceux qui recherchent, tu as une page Facebook aussi pour toutes les informations. Je vais en reparler plus tard, il n'y a pas de problème. Puis, je vais mettre ça aussi en lien sur ma page à moi. Tes clients, ça ressemble à quoi? Présentement, c'est beaucoup des CHSLD parce que la demande est là. Là, vu que je suis en début d'entreprise, c'est plus facile de rentrer dans les CHSLD. La demande est là. Ils aiment comment que moi j'arrive avec mes animaux. Ils aiment ma façon d'être. Fait que là, les CHSLD sont super ouverts. En plus, ben l'été, moi, je suis coordonnatrice de terrain de jeu. Fait que mon chien, je l'amène avec moi au terrain de jeu. Fait que mon chien, tout au long de l'été, ben il est habitué d'être avec des enfants. Puis je vois la différence d'être un chien avec des personnes âgées, puis je vois avec les enfants. Ouais, c'est laquelle? Avec les enfants, mais mon chien, il est plus énervé. Il veut pas, les enfants sont plus enjoués, sont dynamiques. C'est ça, ils ont l'énergie d'un enfant. Là. C'est ça. Que comparativement à une personne âgée, ben, il recherche les caresses. Fait que mon chien, il va s'accoter la tête sur leur genou, puis il attend. Il attend que les caresses arrivent. OK. Fait que c'est vraiment différent comme intervention puis relation aussi. Mais j'imagine pour le chien aussi, ça doit être super là, d'avoir les deux côtés, deux côtés complètement différents, d'avoir les enfants qui courent partout, crient partout, puis d'avoir les personnes âgées qui sont plus tranquilles c'est aussi. C'est ça. Là. Au niveau, je lisais, il y a beaucoup aussi au niveau de la santé mentale que ça peut aider. à qui ça s'adresse, en fait. Même, j'ai entendu, au niveau du TDAH, oui. Ça aidait. Parce qu'il y a beaucoup de bienfaits à la zoothérapie. Qu'est-ce que c'est exactement? Dans quoi qu'on... où est-ce que ça peut faire du bien, si on peut dire ça? Par exemple, si je prends l'exemple du TDAH, ils vont recommander un chat. Parce qu'un chat, c'est comme un TDAH. Il est super énervé, ça veut aller partout, ça regarde partout. Puis, quand tu mets un chat avec un enfant qui est TDAH, ben ça va demander à l'enfant de se calmer, de s'asseoir, puis de flatter le chat. Oui, parce que si l'enfant est trop énervé, le chat va s'en aller souvent. Oui, là. C'est ça. Fait que le chat, il ira pas le voir. Fait que dans les enfants qui ont des TDAH, on recommande un chat. Mais, tu sais, les bienfaits, tant qu'à moi, la zoothérapie, ça s'adresse à tout le monde. Même nous, quand on est triste à la maison, quand tu vois ton chien, il est tout le temps content de venir te voir, il demande juste des caresses, puis il sait que quand ça va mal. Puis on dirait que quand ça va mal, il est encore plus colleux. Ben, on a toutes des histoires comme ça avec nos animaux, que ce soit un chat, un chien, un lapin, un serpent, même il y en a qui... Ouais. Je pourrais pas dire que j'en aurais. Moi non plus. Mais je te dirais que j'ai pas mal peur de ça. Mais il y en a qui ont une relation... Des hamsters aussi. C'est ça, des hamsters, ça aussi. C'est des furets que j'ai vus. Au niveau, ce que je lisais aussi, au niveau de l'Alzheimer, ça aide à quel... je pense que toi, t'en as des oui. patients, là, dans le fond, des clients qui sont atteints d'Alzheimer. Là. Présentement, oui, je vais une fois par mois au CHSLD Monseigneur Bourget à Lévis. Je vais rencontrer des personnes atteintes d'Alzheimer. C'est magnifique comment que l'animal peut créer un lien rapide avec les personnes. Puis quand tu vois l'évolution de ton client... Une fois par mois, c'est pas beaucoup, mais ta voix pareille. Tu sais, par exemple, j'ai une madame que dans les premières rencontres, c'était « Mon chien, tasse-toi de là, assis-toi. Okay. » Puis la dernière fois que je suis allée, elle les a toutes touchées. OK. Après combien de rencontres? La cinquième. C'est quand même rapide, là. Oui, oui, quand même. Puis la madame, elle les a toutes touchées, puis là, elle était super contente. Puis ça leur ramène souvent dans leurs souvenirs à eux. Ouais, moi, j'ai déjà eu un chien quand j'étais jeune. Mon père disait quoi faire. Oui, c'est ce que je lisais là-dessus. C'est vrai, là, dans le fond. Parce que la zoothérapie, on n'a pas beaucoup d'études là-dessus. Là. Ça fait quand même pas mal longtemps que ça existe. Au Québec, ça fait un petit peu plus qu'une trentaine d'années, si je ne me trompe pas. Mais on n'a pas d'études concrètes. Puis on n'a pas rien, parce qu'il y a quand même des tabous reliés à ça. Oui. Mais ce que je lisais, c'était justement par rapport le côté que c'était réconfortant, que ça ramenait la personne atteinte d'Alzheimer dans le moment présent. Oui. C'est là où est-ce que, je sais pas, toi tu peux le voir parce que t'es côtoie. Oui. C'est... Ben, tu vois que la personne, oui, elle a sa problématique d'Alzheimer, elle se rappelle d'un petit laps de temps dans sa vie, mais quand elle est avec l'animal, ça y ramène les souvenirs, puis leur sourire qu'ils font quand ils voient mon lapin poilu, angora, puis là, ils l'appellent le chat, mais moi, finalement, je leur dis que c'est un lapin. Les madames sont tellement contentes. Oui. Ils ont un animal à eux, sur leurs genoux, puis ils me disent tout à la fin, ben, je vais le ramener dans ma chambre. Il y a de la place dans ma chambre, je vais le cacher en dessous de mon lit. Ces madames-là, c'est comme ça que j'observe que la zoothérapie, ça leur fait du bien. Oui, parce qu'ils sont prêtes à partir avec. Ben, ils sont c'est prêtes ça. À le garder. Ouais. Ils sont prêtes à l'adopter. Oui. Écoute, au niveau, qu'est-ce que tu vois d'autre aussi? Quand tu arrives, là, par exemple, dans un CHSLD, comment tu vois les gens réagir automatiquement? Ça les regroupe. Okay. Dans le CHSLD, des fois, c'est souvent individuel. Je fais mes petites affaires, mon voisin fait les petites affaires. Mais quand j'arrive puis qu'on est dans un salon, tout le monde se connaît, tout le monde se parle puis se raconte des histoires. Oui, parce qu'ils sont pas là nécessairement par choix. Là. Ben, c'est ça. Des fois, comme je disais tantôt, ça peut être un accident, ça peut être aussi parce que, bon, on n'est plus capable, on n'a plus l'autonomie. En général, c'est parce qu'on n'a plus l'autonomie de s'occuper de soi-même. C'est là. Ça. Fait que c'est sûr que c'est... À la base, ils sont pas là de gris, là. Ça fait un côté social entre eux. C'est ça, ça fait sociabiliser. Oui. J'imagine, les gens, est-ce qu'ils parlent plus entre eux par après? Est-ce que ça crée une nouvelle dynamique dans la place? Je crois que oui, parce que plus que je vais dans mes rencontres à Lévis, plus que les personnes se parlent entre eux, se racontent des histoires. Puis ils cherchent aussi à entrer en contact avec moi. Okay. Fait que, tu sais, par l'intermédiaire de mon animal, ben, je crée une relation avec cette personne-là. Mm-hmm. Tu sais, à la fin de la réunion, que la personne me raconte qu'elle, dans sa vie, elle agissait comme ça, elle a déjà eu ci, qu'elle a déjà ça, mm-hmm. elle s'ouvre à moi. Okay. Fait que la présence de mon animal fait que les relations se créent plus faciles. Mm-hmm. Tu sais, j'ai moins l'air d'une intervenante qui va travailler les besoins, qui ouais. va améliorer certains aspects. J'ai l'air d'une intervenante qui amène des animaux puis leur fait vivre un moment de plaisir. Parce qu'à la base, c'est ça que t'es une intervenante oui. là, qui arrive sur place. Puis, comment tu fonctionnes quand t'arrives? Là, on parlait, là, bon, comment les gens réagissaient, tout ça. Mm-hmm. Toi, est-ce que tu fais des espèces d'analyses ou quoi que ce soit? Comment tu fonctionnes pendant l'intervention, si on peut appeler ça de même? Quand que je vais en zoothérapie, c'est seulement avec mon chien, je fais une évaluation des besoins. J'énumère des besoins avec les clients et j'énumère des... Excuse-moi. Moi, j'entends une certaine vibration sur la table de l'autre côté. Je cherchais qu'est-ce qui se passait. Il y a un téléphone qui sonne. Désolée. Continue. Excuse-moi. Quand je vais en zoothérapie, j'apporte mon chien avec moi puis je fais... j'énumère les besoins avec les intervenants. Par exemple, quand j'allais au CRDI, j'avais des clients qui... Je faisais de la zoothérapie, j'énumérais les besoins, mettons, améliorer l'estime de soi, développer la motricité, ainsi de suite. OK, la motricité aussi? Oui. Ou... Okay. Ben, admettons, une personne âgée qui est assise dans sa chaise, ben, mm-hmm. tu veux lui pratiquer à bouger son avant-bras. Mm-hmm. Ben, tu lui demandes de donner des gâteries à ton chien. Ben, ton chien, il est couché au sol. OK. Fait que finalement, ben, la personne, elle doit se pencher, ouvrir son bras pour donner la gâterie. Fait que, tu sais, inconsciemment, elle donne une gâterie au chien, ouais. mais elle sait pas qu'elle travaille. Ouais. Fait que c'est ça qui est beau dans la magie de la zoothérapie. Tu t'améliores les besoins chez les clients sans qu'eux s'en rendent compte parce qu'eux sont heureux. Ouais. Ils vivent du plaisir. Mm-hmm. Mais pour revenir à ma zoothérapie, ouais. J'énumère des besoins, puis j'établis des activités. Fait que chaque séance travaille un tel besoin, puis à la fin, je fais un rapport final concernant tous les besoins que j'ai énumérés, s'ils ont été atteints en partie ou en totalité. Puis ensuite, je remets ça à l'organisme, que eux, ça leur prouve que la zoothérapie, ben, ça a des bienfaits. Mm-hmm. Puis ça travaille quelque chose. Puis tu vois la différence chez ton client. Puis au bout de combien de temps, à peu près, là, est-ce que ça varie d'un client à l'autre? Ça varie d'un client à l'autre. Plus que le client est intéressé avec ton animal, plus que ça va vite. Okay. Tu sais, lui, finalement, il joue avec l'animal, puis ça va bien. Fait que lui, il sait pas qu'il travaille. Mm-hmm. Mais qu'un client qui a beaucoup plus de besoin à travailler, ben c'est sur un long temps, là. Bon, oui, quelqu'un qui est un petit peu plus qui a un petit peu plus de travail à faire, ça va être plus long, c'est sûr, mm-hmm. c'est évident. Ce que je disais aussi au niveau de... Écoute, il y a tellement de côtés de la santé que ça peut aider. On parle aussi de dépression. La dépression, oui. Ça amène un calme, ça amène ce côté-là, c'est... Mais tu sais, au départ, le chien, quand tu le vois, on est tous portés à aller le caresser. Mm-hmm. On est tous portés à aller l'aimer, puis lui, c'est ça qu'il demande. Moi, présentement, je travaille pas encore avec des personnes qui font de la dépression, mais selon moi, quand ils voient un animal, ben, ils en oublient un peu leur tristesse. Ça a un effet calmant aussi, oui. Je pense. Avoir un animal, ça développe quoi? Des hormones ou quelque chose du genre, là, dans le fond, là, une espèce de dopamine? Ou... Ben, c'est ça. Ça doit sûrement les détendre, puisque... Mais en général, c'est ça. N'importe qui touche à un animal là, qui, mm-hmm. qui en flatte un ou qui a de l'intérêt, puis que l'intérêt aussi, là, l'animal, et l'intérêt risque. Pour pas mal, tout le, mal monde. Tout le monde qu'il va rencontrer. Si on prend l'exemple du chien, oui. Et si je prends la mienne, elle a de l'intérêt pour pas mal tout le monde. Elle peut partir avec tout le monde. Mais ça développe aussi l'empathie. Les gens qui sont en crise, par exemple, oui. Qu'on pense bon, à l'Alzheimer, il y en a mm-hmm. qui peuvent avoir, ou est-ce que c'est plus avancé comme maladie, on peut parler comme quoi que ça ramène ce côté-là, l'empathie qui revient dans la vie de la personne qui l'avait probablement au départ, là, qui était oui. comme ça avant la maladie. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu vois de ça en expérience avec les gens? Je vois des sourires. Quand un client rentre en contact avec mon chien. Puis finalement, à la fin de la réunion, parce que je prends l'exemple d'une personne âgée qui est sourde, puis qui est muette, okay. Puis l'intervenante me dit, tu vas voir, tu vas tout lire dans ses yeux. Fait que moi, première rencontre, je comprends pas trop tout ce qu'elle me dit dans ses yeux. Mm-hmm. Mais à la fin, quand l'intervenante est revenue, là, j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire. Tu sais, oui, la personne, elle fait plus d'émotions. Elle a plus de facial. Okay. Mais quand elle sourit, mais avec ses yeux, là, c'est tellement magique. Puis c'est comme ça que tu te rends compte que t'as réussi ton objectif. Mm-hmm. Toi, ton objectif, au départ, c'était d'y vivre un moment de plaisir. Puis un moment où que... Il n'y a pas de jugement. C'est égal, puis le chien te prend à ton niveau. Oui, bien, c'est ça, je lisais. C'est, dans le fond, l'animal ne te juge pas. C'est ce qu'il fait aussi avec les enfants. Oui. Au niveau, ce que je lisais, là, pour les enfants, c'est que l'animal, il n'y a pas d'attente envers l'enfant, puis il accepte pour qu'est-ce qu'il est, puis pas pour qu'est-ce qu'il devrait être. C'est ça. Ça, j'ai trouvé ça intéressant de lire ça. Puis, ça fonctionne, dans le fond, pas juste avec les enfants, avec les personnes âgées aussi. Ça fonctionne avec tout le monde. Avec tout le monde. Tu me disais que les enfants, tu travailles beaucoup avec les enfants aussi, comme tu parlais tantôt, l'été, bon, où est-ce que tu es plus animatrice, je pense? Oui, dans le fond, je suis coordonnatrice d'un terrain de jeu. OK, excuse-moi. Non, c'est pas grave, ça va. Coordonnatrice, oui, c'est pas pareil. Mais dans le fond, moi, je suis coordonnatrice d'un terrain de jeu, qui fait que moi, j'en profite pour apporter mon animal avec mon terrain de jeu. Mais la première fois que les enfants me voient avec mon chien, bien, ils me demandent pourquoi t'amènes ton chien. Puis là, moi, je leur explique que je viens faire de la zoothérapie. Mm-hmm. Mais dire à un enfant que tu fais de la zoothérapie, ben eux, ils comprennent pas. Tu sais, eux, ils viennent, ils pensent qu'on va aller jouer avec le chien. Fait que là, je leur explique que quand je fais de la zoothérapie, je leur donne souvent l'exemple, y a-t-il une éducatrice spécialisée, toi, qui va dans ta classe? Là, ils me répondent oui. Je dis, ben moi aussi, je suis éducatrice spécialisée. Puis si je viendrais avec toi, là, ben toi, t'aurais un chien avec moi. Fait que quand tu viens à une rencontre avec moi, t'es avec mon animal, puis on s'amuse avec mon animal. Fait que là, tu vois tous leurs yeux ouvrir, puis ils me regardent, puis ils sont full impressionnés. Puis là, je leur dis, par exemple, je te demande de lire une histoire avec mon chien. Si tu te trompes dans tes mots, là, qu'est-ce que mon chien va faire? Là, ils me répondent, ben il va rien faire. Ben, j'ai dit, c'est ça. Quand tu lis une histoire à mon chien, lui, il ne juge pas. C'est ça. Que tu fasses une erreur, que tu trompes des lettres, c'est pas grave. Lui, qu'est-ce qu'il veut, là, c'est que tu te caresses, puis d'être collé à toi. Fait qu'avec l'intermédiaire de mon chien, ben moi, je travaille ta lecture. C'est ça, il n'est pas dans performance. L'enfant n'est pas dans performance, comme on disait avant la pause. Ils ne sont ça. Pas avec des attentes que des gens peuvent avoir envers eux. Mmh. L'animal n'a pas d'attente. Il n'a pas d'attente, puis il ne juge pas. Fait que c'est beaucoup moins gênant de se tromper de mots, de se tromper de lettres avec le chien, que quand tu lis une histoire à l'éducatrice. Que là, l'éducatrice, ben, tu sais que là, tu évalues, puis là, il faut que tu sois bon, il ne faut pas que tu te trompes, puis il faut que tu ailles vite. Ben, il n'y a pas de pression, c'est ça. Ben, c'est ça. Ah, ben, c'est le fun. Puis, sinon, d'autres histoires comme ça, tu dois en voir plein, là, l'été, avec... Parce que, faut dire, ça fait moins d'un an, là. Ça va... Ben, tu t'en vas sur ta première année d'existence pour une Émile Pattes. En peu de temps, t'as quand même... ça a quand même débloqué. Ça veut dire qu'il y a un besoin aussi. Oui, il y a un besoin. Puis, tu le vois beaucoup... Quand les personnes ont une ouverture d'esprit, quand ils finissent par vraiment connaître qu'est-ce que c'est la zoothérapie, puis jusqu'où ça peut leur apporter un besoin, des bienfaits. Puis comme ça, c'est grâce à ça que tu réussis à vraiment améliorer chez le client certains besoins sans que eux ils voient qu'ils travaillent. Puis, au niveau de la clientèle, on parlait de CHSLD, que tu en as quelques-uns que tu as. Oui. Autre chose aussi, t'as d'autres places que tu vas? Des associations de personnes handicapées. Ça, c'est un regroupement de personnes, de 30 à 40 personnes. Puis que là, eux, c'est la fête, les animaux viennent, ils sont super contents, je me déplace avec mes animaux, puis tu vois qu'ils sont contents. Puis on parle de gens qui ont quel handicap, par exemple? Déficient intellectuel, okay. Tout, enfin, c'est catégorie. toutes ces personnes-là. C'est ça, il y a différents bienfaits pour différentes situations. Là. Donc, il y a des personnes qui ont des handicaps intellectuels au niveau... Physique. Physique, OK. Limitation verbale aussi. Verbale aussi? Oui. Ça peut aider à ce niveau-là? Dans quel sens? Bien, par exemple, tu demandes à un client de formuler une phrase. Demande à mon chien de s'asseoir. Fait que là, ils sont là, ils te regardent. J'ai dit, pense un petit peu. Là, finalement, ils disent, assieds-toi, s'il te plaît. Là, j'ai dit, penses-tu que mon chien comprend qu'est-ce que ça veut dire? Là, ils me répondent plus ou moins. J'ai dit, veux-tu essayer? Lola, assis. Quand ils finissent par faire la phrase, puis que le chien s'assoit, ils sont tellement heureux. Tu sais, ils ont travaillé une phrase, ils ont fait une phrase, puis ils ont donné un ordre. Oui, ça remonte un peu le côté estime de soi, de se faire écouter, puis que l'animal réponde aussi de son côté. S'il dit Lola assis, bien, l'animal comprend cette phrase-là. Oui. Fait que ça crée un lien. Ce lien-là, comment ça... Ce lien-là, il est magique. Là, tu vois la personne, les yeux gros, le chien, il va demander des caresses. Quand il sait que la personne a réussi à lui demander quelque chose, bien, il va encore plus demander de l'affection. Mm-hmm. Tu sais, il va venir se coller, il va chercher dans tes mains, c'est une gâterie. Ils sont rendus amis, là, à un moment donné. C'est ça. Ben, c'est assez facile. T'sais, tu vas rencontrer un chien dans le parc, on va tous avoir la manie de « Oh, il est beau, le chien! » Ça, là, c'est ce que j'ai remarqué, parce qu'en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'il n'y a personne qui est indifférent à un animal. Non. Que ce soit les yeux, qu'on fasse un double check, là, qu'on regarde hey, c'est quoi cet animal-là, pour X raisons. On parlait, puis les yeux aussi qui vont, là, tu sais, ou sinon la personne va se pencher, va aller vers l'animal. Oui. Ça aussi, ça arrive à tout le monde. On les voit, veut pas, on a le sourire qui nous étend d'en face. Là. Oui. C'est immanquable. On parlait aussi des races un peu plus considérées dangereuses. Tu m'en as parlé un peu tantôt parce que toi, Lola, c'est une boxer. Oui. Qui est considérée, si on se fie, puis j'haïs bien ça catégoriser de même, là, mais si on se fie, bon, dans les races considérées dangereuses. Oui. Vu que elle aussi. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Mais tu sais, mon chien, je la connais. Mm-hmm. Quand que c'est l'heure de jouer, demande-y pas de te ramener la balle puis t'a donné. Elle voudra pas te donner. Mm-hmm. Puis quand tu lui donnes un jouet, là, pense pas le ravoir. Il va être déchiré, il va être en morceaux. Tu vas l'avoir partout sur ta pelouse. OK. Fait qu'elle aussi, elle a la même catégorie que les pitbulls. Ben oui, les pitbulls qu'on entend partout. C'est ça. Elle a la mâchoire qui barre. Mais le lien que j'ai avec quand je suis en intervention, j'ai pas peur. Je la connais, mon chien. Mm-hmm. Fait que ce soit n'importe quelle race, l'important... que c'est la relation que tu as avec ton animal. Que quand tu dis « c'est assez », ben c'est assez. C'est de les éduquer. On parlait tantôt qu'il y avait une partie du cours, que c'était l'animal aussi qui suivait. Mais à la base, si on prend monsieur et madame tout le monde qui ont un animal, c'est quel truc, par exemple, tu pourrais donner à ces gens-là que toi, tu as suivi avec Lola? C'est avec Lola, oui, c'est elle? Ça, oui, c'est ça. Ça me semble que c'était elle. Il n'y en a pas d'autres. Qu'est-ce qu'on peut leur faire faire qui va peut-être... parce qu'à la base, c'est le maître. Oui. C'est le propriétaire du chien qui peut être l'erreur. Là, c'est pas nécessairement le chien. C'est plus rare des chiens qui sont des mauvais chiens, dans le fond. C'est ce qu'on c'est de la façon qu'ils sont éduqués. OK. Puis avant de... pour revenir à ta question, là, avant de faire... demander à ton animal de faire quelque chose, je demanderai à personne d'écouter son chien. Quand ton chien te fait un signe d'apaisement, là, je dis ça, mais la plupart ne doivent pas savoir c'est quoi. Ouais, c'est quoi? Admettons, le chien se liche le nez. Bouille, s'étire, détourne ton regard, se couche, s'en va, ben ton chien te dit quelque chose. Mm-hmm. Ton chien te dit que là, présentement, tu as trop d'énergie. T'es anxieuse, t'as quelque chose, t'es fâchée. Lui, il l'a senti. Ah oui. Puis il te demande de te calmer. Okay. Quand tu vas être calme, il va revenir. Fait que quand que je suis en intervention avec les enfants, parce qu'il y en a beaucoup de signes d'apaisement, parce qu'entre toi et moi, un enfant, ça déplace de l'air. Oui. Puis là, il y a un enfant qui pige un petit défi, puis il me dit, faut qu'il demande au chien de s'asseoir. Puis là, il dit, Lola, assis. Le chien détourne son regard, se liche le nez. Là, j'ai dit, qu'est-ce que Lola te dit? Puis là, ils finissent par pas trop comprendre. J'ai dit, Lola, elle te fait un signe d'apaisement. Elle te demande de te calmer. Mais quand un enfant comprend qu'il doit se calmer, puis qu'après, il réussit, ben c'est le fun. Puis l'enfant, il est tellement content. Puis d'un côté, ça l'a travaillé son contrôle de soi-même. Mm-hmm. Fait que l'enfant, il a appris à se calmer, que c'était le moment de se calmer, pour après ça, travailler avec ton chien. Ouais, ben c'est ça, il se rend compte que s'il est trop affolé, s'il est trop excité, c'est ça. Le chien coopère pas, là. Il est pas prêt à travailler parce que toi non plus, t'es pas prêt à travailler. On revient avec l'énergie, dans le fond. Oui. On revient avec... C'est une question d'énergie dans plein de choses, là. Puis avec les animaux, ça l'est encore plus. L'énergie qu'on leur envoie, des fois, on n'a même pas besoin de leur parler qu'ils vont faire ce qu'on veut. On n'a pas besoin de leur parler. Puis eux, il n'y a même pas besoin de te connaître pour savoir comment tu es. Mm-hmm. Quand les enfants viennent chez moi prendre des cours d'équitation, je leur dis, le cheval, là, il te sent. Il sent tes émotions. Tu n'as pas besoin d'y parler. Il sait comment tu te sens à l'intérieur. Ouais. Fait que là, j'ai dit, si tu es stressé, ben lui, il va le savoir. Il peut jouer pour ou il peut jouer contre. Fait que là, c'est à toi de te calmer. Parce que lui, il sait. Tu n'es pas obligé de me dire comment tu te sens. L'important, c'est toi puis l'animal. Mais est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a un animal, pas nécessairement à toi, mais que tu sais qu'il a mal réagi. Il a mal réagi, c'était trop d'excitation. Puis je parle pas de morsure ou quoi que ce soit, là, mais tu sais que vraiment, là, l'animal s'est tassé dans un coin, il voulait plus rien savoir, il coopère plus, lui, là. C'est-tu déjà arrivé? Mais par exemple, quand je viens avec les enfants, mon chien, quand il a trop d'énergie, je la mets en plein milieu du cercle, elle se sent pas bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se coucher sur le dos, les quatre pattes en l'air. OK. Là, je sais que l'énergie est trop haute. C'est pas gratte-moi à bédaine, là. Non, c'est ça. Je suis soumise. Je vais faire qu'est-ce que tu veux. Ouais. J'ai besoin un peu d'air. Mm-hmm. Fait que là, dans ce temps-là, je dis aux enfants, on recule. On n'appelle pas Lola. On la laisse se calmer. Puis toi aussi, tu te calmes. Tu sais, elle va pas mordre. Elle va pas courir. Elle va pas jouer ailleurs. Elle va faire un signe global pour tout le monde. Mm-hmm. Fait que oui, elle a réagi comme ça. Que mon oiseau, elle va aller se cacher. Okay. L'autre jour, elle était rendue dans le lampadaire. Fait que là, faut-tu trouver une échelle, va chercher. Non, c'est pas pratique. Pas pratique qu'un oiseau, mais c'est ça. C'est, ça reste que c'est un oiseau, puis il s'envole pas mal où est-ce qu'il veut. Puis elle aussi, elle sent les émotions. Ben c'est ça. Il y en a qui vont passer, parce que si je reviens à Madame Rousseau, qui m'a parlé cette semaine au CHSLD, elle expliquait que pour elle, puis écoute, c'est juste une petite anecdote, une petite parenthèse, pour elle, avoir une cervelle d'oiseau, elle dit, si on me dit que je suis une cervelle d'oiseau, ben elle dit, je prends ça comme un compliment. Là, je la regarde, mais OK, là, j'étais pas sûre. Mais elle dit, si tu savais comment les oiseaux sont intelligents, ils ont un amour inconditionnel, ils savent... ils sont vraiment là. Elle dit, suffit là de passer du temps avec eux pour les regarder aller. Fait qu'elle dit, moi, c'est un compliment quand on me dit une cervelle d'oiseau. Elle dit, c'est pas vrai. Fait que tu sais, puis je la trouvais tellement gentille, cette madame-là. Écoute, elle est venue, aussitôt que je l'ai rencontrée, elle est venue les yeux là, brillants. J'étais avec mon copain, on est allé au CHSLD. Elle est venue avec les yeux hyper brillants quand elle parlait de ses animaux. Elle a une passion, mais elle ne savait pas qu'elle avait cette passion-là. Ça en développe aussi. Oui. Dans son cas, elle a aidé à faire d'autres petits œufs. Parce qu'ils ont beaucoup d'oiseaux. Ils en ont, écoute, je pense qu'ils ont pas loin d'une vingtaine, si c'est pas loin d'une trentaine de cages dans cette place-là, là, quasiment. C'est impressionnant quand on rentre dans la pièce, puis que toutes ces cages-là sont là. Mais sinon... les oiseaux aussi ressentent le stress, ressentent la peur, ressentent la tristesse, ces choses-là. C'est ce qu'on oublie. Puis oui, ils sont très intelligents. C'est ce que je vois. Au niveau de tes lapins, tout ça, ces choses-là, eux autres aussi, ils peuvent réagir d'une drôle de façon. Qu'est-ce que je trouve avec mes lapins puis mes cochons? Parce qu'eux autres sont quand même... Ils restent dans leur petit panier. Oui. Là, ils sont déjà... Fait qu'ils sont comme bloqués dans leur environnement. Oui. Mais je trouve que c'est les personnes qui s'adaptent à eux. Par exemple, avec les enfants, moi, je leur dis, ton doigt s'est rendu une plume. Mon animal, il est petit, il a un petit cœur. Il bat vite au départ. Fait qu'énerve-toi pas. Prends ton doigt, c'est comme une plume, puis là, tu le caresses. quand l'animal est bien, comme je te disais, il finit par s'endormir à la fin de la rencontre. Ben oui, c'est sûr, à un moment donné. Avec tous des petits doigts qui se promènent ben, à un ça. Moment donné. Au bout d'une heure, combien de temps ça dure à peu près tes séances, toi? Environ 50 minutes à une heure. Okay. Mais quand je fais des gros groupes, la plupart me prennent pour 2 heures. Okay. Fait que je me déplace en 2 heures. Plus sur les 2 heures, ben je fais des activités. La première heure, c'est des caresses. Mm-hmm. Ensuite, je fais des courses de cochon d'Inde. Fait que là, explique-moi ça, c'est quoi ça? J'ai mon tapis de course pour auto, là, pour enfants. Oui. Je prends mes cochons d'Inde, je mets 2 clients à leur place sur la ligne de départ. Puis là, ils doivent faire avancer leur cochon d'Inde. Puis là, ils me demandent tout comment que je fais avancer. Ben, je trouve des moyens. Tu sais que le cochon d'Inde, lui, il aime ça manger. Fait que là, je leur mets un plat d'herbe disponible. Ouais, ou des petites carottes, des petits légumes. Fait que là, finalement, ils font avancer leur cochon d'Inde. Mais tu sais, les clients sont rendus couchés au sol. Puis ils sont crampés de voir l'autre qui est couché au sol faire avancer son cochon d'Inde. Puis là, son cochon d'Inde cherche à aller se cacher. Fait que là, il va se cacher dans ses pattes. Fait que finalement, tout le monde trouve ça drôle. C'est sûr. Moi, tu fais juste m'en parler. Je les vois même pas. Puis je ris tout seul. C'est magique. Ben, c'est le fun. C'est le fun de voir ça. Puis quelle autre activité aussi? Je fais des défis avec Lola. Ah, par exemple, là, je demande au client, fais asseoir Lola. Ouais. Demande-y de faire la belle. Demande-y de donner la patte. Quelqu'une personne, ça me fait penser, quand j'ai fait une association de personnes handicapées, il y a une personne qui était plus ou moins muette, pas des phrases complètes. Fait que là, au début de la rencontre, je l'évalue, j'évalue mes clients. Et là, à la fin, je vais lui demander un défi. J'ai dit, demande à Lola de s'asseoir. Le client m'en regarde. Ça prend un petit laps de temps avant qu'il comprenne puis qu'il analyse. C'est pas grave. Moi, j'attends. Lola est en avant et elle le regarde. Là, il dit, Lola, assis. J'étais tellement contente qu'il réussisse à y demander puis le chien l'écoutait tout de suite. Ouais. Il a pas parlé tout au long de la réunion. Puis là, à la fin, il dit, Lola, assis. Puis après ça, je suis revenue avec la madame. J'ai dit que ce client-là avait parlé puis elle, c'est rare qu'il entende parler. En plus. Fait que le client comprenne tout de suite c'est quoi la phrase qu'il faut demander, que le chien réponde tout de suite. Le client, il était aux anges. Il était tellement content d'avoir réussi. Puis moi aussi, j'étais contente là, de un, l'entendre parler, puis de le voir interagir comme ça avec mon chien. Ça n'est magique, là. Puis, ben, je te regarde m'en parler, là, puis je vois d'où ça devient cette passion-là de vouloir intégrer les animaux comme ça, c'est de vouloir travailler avec eux, parce que c'est des super bons collègues, là. Oui. Ils sont pas trop astineux, là. Ça arrive, j'imagine. Ça arrive. Parce qu'ils ont du caractère aussi. Oui. Mais d'où ça devient, cette passion-là? Parce que je te vois, tu m'en parles, puis t'as les yeux, là, super grands, puis d'où ça devient? Ben, je crois que c'est comme... Depuis toujours, tu sais, mes parents habitent sur une ferme, fait que les animaux font partie de mon quotidien. Quand j'étais jeune, quand il y avait quelque chose, j'allais avec les chevaux, parce qu'on a un élevage de chevaux. Bien c'est sûr. Ça, des amis, mais d'en faire un métier, c'est autre chose. Là, on est tout le temps avec eux. Ouais, oui. Mais j'ai travaillé avec des fermes où ils recevaient du public. Fait que là, je voyais aussi la différence avec un client, avec l'animal, la relation. Ça fait longtemps que je travaille pour... observer jusqu'où l'animal a des bienfaits. Mm-hmm. Puis je réponds souvent, si moi j'y crois, je vais le rendre possible. Mm-hmm. Puis j'y crois vraiment, ça fait partie de moi. C'est acquis. C'est moi, dans le fond. C'est toi. Oui. Mais je te vois passionnée. Ça. Puis c'est correct. Écoute, moi, je prends tout le temps de faire ce qu'on aime dans la vie puis de ne pas se préoccuper des jugements non plus parce qu'il y en a là-dedans. C'est quoi que tu peux entendre? Si ça se rend à tes oreilles, par exemple, parce qu'il y a du monde qui vont dire, ben là, voyons donc, c'est juste un chien. Parce que de plus en plus, si on prend... aujourd'hui, les gens, c'est pas comme il y a 30, 40 ans, où est-ce qu'on adoptait un animal, puis bon, ben, gars, si ça fait pas, on le chip dehors, ou ça se faisait beaucoup avant. Oui. Aujourd'hui, ça fait partie de la famille. Il y a même des boutiques qui existent pour les vêtements pour chiens. Oui. Des accessoires. Il y a une autre boutique que j'ai vue à Repentigny qui fait que c'est que des choses pour les chats. Je pense que c'est La Folle aux Chats ou quelque chose comme ça que ça s'appelle. Oui, ça vient d'ouvrir. Ça fait pas longtemps. C'est rendu des membres de la famille maintenant. Ben, on est conscient de l'adoption, là. Oui. C'est quoi que t'entends? Même si on est rendu que c'est rendu un membre de la famille, puis à part entière, de plus en plus, ben, il y en a qui restent... Il y en a qui vont essayer d'avoir un animal à la maison. Ils vont, admettons, prendre un gros chien, mais ils habitent dans un appartement. T'sais, ils répondent pas de un aux besoins de l'animal. Déjà là, ils partent sur des moins Ben, bonnes bases, là. oui. Puis par exemple, un futur propriétaire de chien qui là, il met son chien toute la journée dans la cage, ben ton animal, il est pas content. Puis c'est comme ça, tu fais développer à ton chien des mauvais twists. Tu sais, là, un chien qui tourne en rond sur lui, qui jappe, qui fait pipi à terre, ben, tout ça apporte qu'il y a beaucoup de chiens qui sont à l'SPCA. Puis pour la zoothérapie, qu'est-ce que tu entends de des fois, y a-tu des gens qui disent ben là, à quoi ça sert? Voyons, ça remplace pas. Parce que oublions pas que ça remplace pas un médicament. Ça remplace pas une admettons, une rencontre avec un psychologue ou un psychiatre. Ça remplace rien de ça. Ça ajoute un outil, selon Oui. moi. Puis je pense que je suis pas trop dans le champ. Non, t'es correct. Puis, mais sinon, ceux qui disent, oh, ben regarde, là, c'est cher pour rien ou quoi que ce soit, ça sert pas. Voyons, c'est un animal. Mais il y en a beaucoup qui connaissent pas qu'est-ce que c'est la zoothérapie. Tu sais, ils s'arrêtent à ben, c'est une personne qui va animer les personnes âgées. Elle va passer du temps avec eux, elle fait juste les animer. Mais en réalité, la zoothérapie, c'est pas ça. Il y a beaucoup encore de mythes, comme tu disais au début, dans le fond, les gens connaissent pas qu'est-ce que c'est la zoothérapie. Puis des fois, je me fais dire, quand je vais me présenter dans la CHSLD, c'est quoi la zoothérapie? Puis là, ça en est difficile. J'ai dit, monsieur, je peux me déplacer avec mon chien, puis vous allez voir les effets que ça va apporter à votre groupe de personnes âgées. Vous allez le voir par vous-même, ça sert à rien que je vous l'explique. Faites-moi entrer une fois, puis vous allez comprendre c'est quoi les bienfaits. Puis vous allez le voir par vous-même, puis votre clientèle va en redemander. Ben, j'ai vu si la clientèle m'a redemandé, oui. Puis il y a une place où est-ce que j'ai vu que dans le coin de Montréal, ils vont aussi dans les pénitenciers. Donc, ils vont dans les prisons pour. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait. Tu me diras là exactement. Il paraît que ça va calmer, ça va aider à gérer les émotions, si on veut. C'est ce que ça, c'est un des bienfaits parmi tant d'autres, Mais tu sais, comme je reviens à ce que je t'ai dit au départ, la zoothérapie, c'est pour tout le monde. là. Que tu sois en prison, que tu sois à l'hôpital, que tu sois en CHSLD, que tu sois en garderie, c'est pour tout le monde. Puis dans chaque milieu, ça va apporter des caractéristiques puis des bénéfices différents. Puis oui, en prison, ben, c'est plus les émotions, le contrôle de soi, mais c'est la même chose avec les enfants. Contrôle de soi, les émotions. C'est ça, à un autre niveau. C'est ça. Ça remplace pas les médicaments, mais par contre, il y a une dame qui m'a expliqué que dans certains cas, les gens qui avaient eu un accès à un animal n'avaient pas besoin de calmants cette journée-là qu'ils en avaient eu. Est-ce que tu en entends parler de ça? Parce que une journée qu'il y a eu de l'azothérapie dans un centre, la personne est tellement, elle a tellement eu une belle journée pour elle. Qu'elle n'a pas besoin de calmant cette journée-là. Elle n'a pas besoin de prendre quelque chose pour l'aider à dormir. Elle a comme. C'est apaisant. C'est ça, t'en as-tu entendu parler? T'en as-tu. J'en entends plus ou moins parler, mais je le vois. Tu le vois, hein? Par exemple, je reviens à les enfants que j'y allais. Les enfants, à la fin de la journée, ils étaient calmes. Puis ça me fait penser au secondaire. Il fallait faire. Fallait trouver un projet sur notre métier futur. Puis moi, je m'avais organisée avec mon prof d'apporter des animaux à l'école. J'avais apporté des lapins, des cochons d'Inde, un furet puis un cheval miniature. Mais à ces quatre animaux-là, la réaction de la classe était tellement différente. Puis je faisais deux classes. Je faisais ma classe en moi régulier, secondaire 5. Puis je faisais une classe de personnes avec un diagnostic, personnes handicapées. Quand j'apportais mon lapin avec la classe dans ma classe, c'était plus ou moins. Je voyais plus ou moins de résultats. C'était plus ou moins. C'était comme d'habitude. Mais quand j'apportais mon lapin à ces personnes handicapées-là, tout le monde était calme. Tout le monde observait le lapin, puis c'était apaisant. On entendait le fan qui marchait au plafond. Les enfants, ils étaient calmes. Si je prends la différence avec mon cochon d'Inde, quand j'apportais mon cochon d'Inde dans ma classe de régulier, ça l'a énervé tout le monde. Ça l'a. Tu veux pas un cochon d'Inde, c'est plus vite. Fait que là, ça stimulait et on peut écouter le prof. Mais quand je l'apportais, puis quand je l'apportais avec mes personnes handicapées, eux autres aussi, ça les a stimulés. Là, tu voyais plus de rire, plus de fou rire, plus ils touchaient, plus ils étaient plus heureux. Quand j'apportais mon furet, Mais ça fait le contraire. Dans ma classe, tout le monde était calme. Oui. Fait que chaque animal a ses bénéfices puis ses bienfaits pour chaque clientèle. Ah, c'est le fun à savoir, parce que ça, je... Ben, oui, tu en as parlé tantôt avec les chats, par exemple, mm-hmm. au niveau des enfants qui ont... TDAH. Qui sont TDAH. Les personnes âgées avec les chiens, par exemple, tout ça. Mais de là à voir vraiment là, le côté concret, là, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi clair que ça, oui, que fou. Tu vois autant la différence. En terminant, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, okay. Déjà, ça a passé vite, hein, oui. Je te l'avais dit que ça passerait vite. Où est-ce que tu t'en vas avec une Émile Pat? Qu'est-ce que tu espères? J'espère avoir beaucoup d'ouverture de plusieurs clientèles différentes. Mm-hmm. D'aller dans les CRD. Ben, les clientèles différentes, là, t'es à bonne place, là, oui. Aux différents. D'aller dans les CRD, dans les garderies, dans les CPE, CHSLD, dans les écoles. Mm-hmm. Bref, tout le monde. D'un milieu qui est ouvert d'esprit, puis qui est en avant-gardiste dans les techniques aussi. Parce que la zoothérapie, c'est nouveau, pas tout le monde est ouvert encore. Mais j'espère qu'un jour, tout le monde va comprendre jusqu'où les bienfaits que ça peut apporter. Mm-hmm. Puis, un petit défi que j'ai pour moi, bien, un jour, ça va d'avoir un cheval miniature dans mon équipe. Oui, ça, de c'est... De me déplacer avec mon cheval. Fait que ça va être une petite nouveauté, ça va être différent, mais il va mm-hmm. me suivre partout. Ben oui, ça s'amène... Ça rentre dans mon char, là. Ça rentre dans ton auto, c'est vrai? Oui, quoi? Oui. OK. Moi, c'est sûr que t'as pas une Smart, là. Mais quand même, ça rentre dans une auto, oui. Là. Un cheval miniature, quand je te dis, il passe en dessous des tables, là. OK, c'est à peu près la grosseur, quoi, d'un Danois ou... Non, même pas d'un gros Labrador. Un gros Labrador? OK, c'est plus petit que je pensais. Oui, oui, un cheval ouais, miniature. D'après moi, je me mêlais avec le poney. Ça ben, plusieurs personnes connaissent... voient pas la différence. OK. Fait qu'un jour, mon défi, ça va être un cheval miniature dans mon équipe. Puis pour ta première année, parce que là, tu t'en viens au mois de novembre, ta première année, t'es... Un petit défi pour la première. Où est-ce que tu t'attendais à être presque un an plus tard ou plus loin? Je me suis pas mis d'attente. OK. Parce que, comme je t'ai dit au début, j'y crois. Puis quand les personnes vont croire qu'est-ce que je vais faire, ils vont m'ouvrir leurs portes. Fait que mm-hmm. je force pas un CHSLD à dire « Mais moi, je fais ça, puis ça va vous apporter ça. » Non, non, c'est pas de la vente à pression, non. Là, ton but. J'attends. Quand eux seront prêts, ils viendront me voir. Moi, je suis ouverte. Mm-hmm. J'ai mes animaux, j'ai mon équipe, puis mon équipe est montée. Ton équipe, tu parles de tes... Mes animaux. Tes animaux, ouais, c'est ouais. Ça. C'est... Mes c'est partenaires bon à quatre pattes. Oui, bien, c'est de même que tes appels. Oui. Puis, sinon, à un moment donné, il va falloir que tu engages des gens aussi. Là. Ça, peut-être un jour. Ça se peut-tu ou c'est... Peut-être. Tu vises... OK. J'ai pas vu jusque où ça pourrait me mener jusque-là, mais oui, un jour, ben, ça pourquoi va être plus pas, gros. Hein? Oui. Pourquoi pas. Ben, je vais te remercier de ta générosité d'être venue me voir ça en fait studio plaisir. Parler de zoothérapie. C'est pas un sujet qui est... C'est pas facile à trouver non plus des zoothérapeutes. Déjà en partant, il y en a beaucoup qui vont s'improviser, oui. Mais qui sont diplômés comme toi, qui ont vraiment la formation au niveau des interventions, tout ça. Je voulais te remercier. Si vous voulez la rejoindre, c'est une Émile Pat. Vous pouvez la rejoindre au 418-576. Je vais recommencer parce que là, c'est sûr que je viens de mêler une couple de personnes. 418-576-6907. C'est Vanessa Plante pour une Émile Pat. Merci beaucoup. Puis j'espère te voir ailleurs aussi. Là. Puis tu es à Québec aussi. Je peux monter, oui, jusqu'à Québec. Là, présentement, c'est plus Lévis, la Beauce. Ouais. Mais un jour, mon défi, ça va aller en Québec. Ben, pourquoi pas? Apprivoiser la ville, là, un peu. Apprivoiser la ville de Québec. Pas de problème. Nous autres, on est là pour ça. Écoute, merci beaucoup.